Le présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée a publié le décret numéro 1517 sur le décernement du prix Kim Jong-il à Kim Myung-un à l'occasion de la journée de la brillante étoile, fête suprême nationale. Il a appliqué parfaitement l'idée littéraire originale de notre parti pour créer d'excellents ouvrages des grands hommes pectosanes et chefs-d'œuvre de grande portée cognitive et éducative, afin de contribuer considérablement à l'éducation des militants du parti et d'autres travailleurs par la grandeur des leaders.